rappelle. Au début, je passais mes journées à rapper, à chercher des faces à l'appel. Ma mère craquait, baissait le son, ça va partir. Deux frères qui squattaient la chambre, exploitaient des samples, cloîtrés au centre du hip-hop. À l'école, j'étais un cancre. Je grattais en cours, dans la cour, dans le bus, dans la tour. Préférais aller graffer sur les rails de train plutôt que me taper un rail de coke. Cherchais un arrière-train, salope. Tout le temps à choquer, le reste on s'en moquait. Tant qu'on était là, on attend se moquer. Quand s'est formé l'OBÉ, pas le temps de chipoter. Défoncé au shit, on psychoté sur les sons, sur l'avenir. À philosopher, isolé dans nos délires. Rap, grave, hardcore dans les sables, éclate le micro surface, paix à chaque occasion. Premier son produit sur musique de mille, acheté d'occasion. Enfermé toute la journée, l'été, c'était GTA et MPC 2000XL à faire péter les décibels. Le darkness est né, toujours fidèle. Dark and Razer, on tire les ficelles. Je vis pour le rap, je respire que du rap. J'existe par le rap, je persiste dans le rap. Ma vie c'est le rap, mon souffle c'est le rap. Je souffre pour le rap, j'étouffe sans le rap. Je vis pour le rap, je respire que du rap. J'existe par le rap, je persiste dans le rap. Ma vie c'est le rap, mon souffle c'est le rap. Je souffre pour le rap, j'étouffe sans le rap. 14 à mon premier couplet, coupé au cutter. Je rêvais de cabriolet de coupé, du Cypress dans les écouteurs. Sans penser que la misère pouvait m'embarquer à toute heure. J'ai toujours fini la voie, j'ai mes oreilles collées dans les tuteurs. Premier contact grave avec Alex alias Osmos. Les pétants de béton, on pensait déjà quitter cette vie morose. 15 ans, je fais la connaissance de Byron. Les ateliers d'écriture et son cœur gros comme un semi-remorque. Je m'abonne au hip-hop, j'assaisonne un style cisaillant. Encouragé par Joe, ma carte à me racame que des faux saignants. Premier groupe, connexion mortelle avec Omar et David. Mais la route est encore longue pour que la terre ne soit plus aride. En 96, on rappait déjà avec le Wazer, le Dragon, le Waker. On voulait vider nos têtes et tout ce qui nous écœure. Mais comment cracher des décibels nos bouches quand nos voix sortent tout droit du cœur. Enregistré avec Inner, Cana et Shiraz. Déjà révolté, on voulait cracher nos vérités avant que la terre nous rase. Et rétro, me rappeler les premiers textes rédigés dans le métro. Le sandwich à peine digéré, on part des vers qu'on aimait trop. Je vis pour le rap, je respire que du rap. J'existe par le rap, je persiste dans le rap. Ma vie c'est le rap, mon souffle c'est le rap.